Chapitre 7. Je montai la côte, les vignes, tour à tour, par-dessus, vers Namin, puis le lac s'en allèrent, et un nouveau pays se leva devant moi, le haut pays comme on l'appelle. Un pays de vergers, de champs, de petits bois, fort en terre et bien cultivé, avec par-ci par-là des villages à belles courtines, qui est le nom qu'on donne chez nous aux fumiers. Plus elles sont grosses, plus le village passe pour riche. On est fier plus que de tout de sa courtine dans ce pays. J'arrivai le soir dans un endroit des environs d'Échallan, mais il ne me semblait pas m'être encore assez éloigné de mon point de départ. Je pris une chambre à l'auberge. Le lendemain matin, je me remis en route. Dans l'après-midi, comme je marchais toujours, un char à banc, attelé d'une belle jument blanche, me dépasse. Un homme à blouse bleue était assis sur le siège. Il me demanda si je voulais monter. J'étais fatigué, j'acceptai. « Où allez-vous ? » me dit l'homme. Il avait vu mon paquet, il était curieux de savoir qui je pouvais bien être. « Où je vais ?» lui répondis-je, « je n'en sais rien trop. » « Vous êtes du pays ?» il le savait bien. Il y a l'accent, mais il ne voulait pas en avoir l'air. « Bien sûr, des bords du lac. Seulement, voyez-vous, l'ouvrage par là-bas n'allait pas tant fort. Alors je vais chercher ailleurs. »« Quelle espèce d'ouvrage ?»« N'importe lequel. » Il me regardait du coin de l'œil. De temps en temps, il touchait du bout du fouet la croupe de sa jument qui prenait le galop. C'était une de ces bêtes maigres et à jambes nerveuses, comme en ont chez nous les bouchers. En effet, il était bouché. Il finit par me le dire. Sur quoi il y eut un silence, puis se tournant vers moi, « C'est que voilà, reprit-il, j'ai aussi un train de campagne. Il me faudrait quelqu'un pour les foins. Puisque vous cherchez de l'ouvrage, on pourrait peut-être s'entendre. » J'étais grand, fort, carré d'épaule, c'était tout ce qu'il lui fallait. Et moi alors, peu m'importait, puisque je n'avais plus Mélanie. C'est ainsi que j'entrai chez lui, où je fus d'ailleurs bien traité, et j'y restai jusqu'en septembre. Mais, une fois les récoltes rentrées, il n'y eut plus d'ouvrage pour moi. Je me remis à en chercher. Je trouvai à me placer comme domestique chez le syndic du village voisin, d'où on voyait un nouveau lac, celui de Neuchâtel. Il ne ressemble guère au nôtre, je n'en étais pas moins heureux de voir de l'eau. C'est peut-être pourquoi je passais là toute une année. Mais il y avait un besoin de mouvement qui me tenait, et au bout de cette année, quand même le syndic était content de moi et m'aurait volontiers gardé, quand même aussi je n'avais aucune raison de partir, une fois de plus, je fis mon paquet. Je n'allais pas très loin, l'avantage de ce métier de domestique de campagne est qu'on trouve partout de l'ouvrage. Je m'étais dirigé du côté de Moudon. Je fis en moins de rien 2 ou 3 places. Vers le mois de janvier, j'entrai dans une grande ferme, un peu comme la Maladière, quoique moins bien tenue. J'y étais encore en avril, il allait y avoir 2 ans que j'avais quitté Vernamin. Mais mon chagrin, lui, ne me quittait pas. Il s'était passé à peu près ceci, comment dire, il faudrait que je sache expliquer ces choses, et je ne sais pas. Il s'était passé à peu près ceci que, plus mon chagrin descendait en moi, comme ces objets lourds qui s'enfoncent dans l'eau, plus aussi il s'y affermissait. Au lieu de ces piqûres qui me traversaient autrefois, et elles me faisaient crier tellement elles étaient vives, mais il y avait des répits. C'était quelque chose de continu, de constant, qui faisait comme une épaisseur d'où tout sortait et où tout retombait. J'avais beau me répéter « tourne la page !» Je n'arrivais pas à la tourner. J'avais beau me dire « Samuel, il te faut regarder devant toi !» C'était en arrière que je regardais. En arrière et toujours vers elle, mais comme vers une chose morte. Puis tout à coup je me disais « À chaque instant que tu vis, elle vit !» Et j'étais plein d'émerveillement. Alors il y avait ce nouveau trouble en moi, que cette Mélanie, autant dire, se dédoublait. Et il y avait 2 Mélanies, l'une qui était morte et que j'aimais encore. L'autre toujours en vie et que je méprisais, et je ne savais pas au juste à laquelle des 2 j'allais. Et une lutte s'engageait entre elles 2 dans mes pensées, tandis que je marchais à la gauche de mon bœuf, le menant par le licou. C'était le temps où j'allais au bois chercher les fagots dont on avait fait des tas dans la clairière. Ils servaient à chauffer le four. Du haut des arbres autour de moi tombaient des gros paquets de neige. Les patins du traîneau laissaient sur le chemin 2 ornières polies, qui faisait penser à des rails. Je disais « Hule blanc !» C'était une grosse bête tranquille, avec des yeux troubles, couleur d'eau de savon. « Allons, mon vieux, un peu de courage, on sera bientôt arrivé. » Mais c'était machinalement que je parlais ainsi, tout en moi étant occupé à 2 autres yeux, noirs ceux-là, et dessous il y avait un nez mince et droit, et puis une petite bouche. Pour qu'elle fût bien rouge, elle se la frottait tout le temps de la main. Quand je lui disais « Que fais-tu ?», elle me répondait « Est-ce que tu ne veux pas que je sois jolie ?» Je vivais très seule, je ne parlais à personne, on prétendait que j'étais fière. J'avais pris le goût de boire. Non pas que je ne fusse plus appliquée à mon travail. Je n'ai jamais volé le pain que je mangeais, et de toute la semaine, je ne sortais pas. Mais le dimanche, il me venait une peur de ma solitude. Alors, j'allais à l'auberge. Au moins, il y avait là du bruit et de la lumière, parce qu'on allumait la lampe de bonne heure. J'entrais, j'allais m'asseoir dans un coin, et les gens me regardaient avec méfiance, l'air de dire « Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce gaillard ?» Il faut convenir que ce n'est pas tellement l'habitude chez nous que des garçons de mon âge boivent seuls. On laisse ça aux vieux, aux originaux, ou à ceux qui ont mal fait leurs affaires, parce qu'alors ils sont mis de côté. Mais enfin, les auberges sont à tout le monde. Ce n'est pas pour rien que l'enseigne pend au bout d'une barre de fer, de façon qu'on la voit de loin. Ce n'est pas pour rien non plus qu'il y a dessus deux mains qui se serrent, ce qui signifie amitié. Donc, je me carrai dans mon coin et laissai dire. Mais une chose étonnait plus encore les gens, c'était de voir que depuis 3 mois que j'étais chez eux, je n'avais pas encore trouvé de bonne amie, et que je n'avais pas l'air de m'en préoccuper. On a le sang chaud chez nous. Il n'y avait personne parmi ceux qui étaient jeunes, j'entends les hommes pas mariés, qui n'alla veiller le soir chez les filles, ou qui ne courut le dimanche les bals des environs. On me plaisantait souvent là-dessus, à l'auberge et à la fruitière. Et je voyais bien que les filles, quand je passais, me regardaient d'une drôle de façon. Mais là aussi, je laissais dire. De sorte que le printemps finit par se lever, et en haut les collines du côté de Fribourg, il chassa les dernières neiges. Il fit tout à coup doux, avec un air qui sentait bon. Les touffes d'herbe repoussées faisaient des taches de couleur parmi les prés grisâtres et usés comme un vieil habit. On m'avait envoyé étendre le fumier. Il se trouva donc qu'un matin, je travaillais dans un champ qui bordait la route. Le fumier était réparti en petits tas le long du champ. J'allais, avec mon trident, d'un tas à l'autre, les éparpillant tout autour de moi. J'étais en haut d'une pente qui fuyait, menant le regard jusqu'à une vallée au fond de laquelle coulait une rivière. De l'autre côté, la pente reprenait. Il y avait une bordure de collines avec de nouveaux prés et des carrés de bois. Et au-dessus, enfin, pareil à une fine dentelle blanche, venait la chaîne dentelée des montagnes de Fribourg. Je m'étais appuyé sur mon trident pour regarder quand on m'appelle. Je me retourne et je vois une fille, nommée Adèle, qui était servante dans la même ferme que moi. Elle était grosse, forte, avec une lourde poitrine, l'air en même temps timide et hardi. Sa chambre se trouvait à côté de la mienne. J'avais bien remarqué qu'à table où nous étions assis en face l'un de l'autre, elle me regardait plus souvent qu'à son tour. À tout moment, quand je levais la tête, je me heurtais à son regard posé sur moi et je me détournais, assez mal à l'aise. Mais, un instant après, je l'avais déjà oublié. Jamais encore je ne lui avais parlé en particulier. Il allait en être autrement, ce n'était pas difficile à voir. Plantée à 10 pas de moi sur la route, elle semblait vouloir me dire « Cette fois, vous ne m'échapperez plus ». En effet, elle se mit à sourire, et avant que j'eusse eu le temps seulement de me préparer, « Eh bien, vous n'avez pas l'air gai, vous !» Je répondis par la première phrase qui me fut venue à l'esprit, une phrase toute faite. « On n'est pas sur cette terre pour être gai. » Je parlais comme un vieux. Je n'avais rien trouvé d'autre. Mais elle, à la place d'éclater de rire, comme je m'y attendais, la voilà avec ses joues rouges et son air de grosse santé qui hoche la tête, qui soupire, et puis « C'est vrai ce que vous dites là !» Elle regardait maintenant dans le vague, toute sa bonne humeur semblait s'être en allée. Encore un peu, et elle aurait pleuré. Moi aussi j'étais gênée, et comme je sentais que le silence durait trop, « Alors comme ça vous vous promenez, il fait un temps à ça aujourd'hui. » Elle ne répond pas tout de suite, elle soupire de nouveau, et toujours sans me regarder, et avec son air sérieux, j'ai été jusqu'à la lècherette, voir si on pourrait avoir le taureau. C'est de ces choses dont il faut bien qu'on parle à la campagne, même entre garçons et filles, et entre nous rien n'était plus naturel, puisque nous étions dans la même place. « C'est le maître qui vous a envoyé ?»« Oui, me dit-elle, pour la brune. » Et, de nouveau, la conversation parut devoir en rester là. J'avais beau chercher, je ne trouvais rien, elle non plus ne trouvait rien, pourtant elle ne s'en allait pas. Elle demeurait plantée devant moi sur la route, tortillant entre ses doigts la tache de son tablier. Alors je me levais, ayant repris mon trident, je le plantais dans un des tas de fumier. Tout à coup, on m'appelle pour la seconde fois. « Samuel ?» Elle était toujours là. Elle n'avait pas bougé. Et son expression change encore. Il se fait un pli au coin de sa bouche. Ses yeux se posent avec assurance sur moi. Son regard devient un peu trouble. « Samuel, me dit-elle, puisque vous vous ennuyez et que je m'ennuie aussi, on devrait s'ennuyer ensemble. » Je n'étais pas sûre d'avoir bien compris. Je dis comme ça, au hasard, « Si vous croyez que ça y changerait rien, « Si !» dit-elle. Là-dessus, elle se met à rire, elle reprend « À bientôt !» Elle s'en va. Je la regardais s'éloigner, elle marchait à grande enjambée, ses hanches bougeaient doucement, et ses mains, paraissant et disparaissant, faisaient tour à tour une tache rouge de chaque côté de son corps. Moi, je continuais d'étendre mon fumier, mais une drôle d'inquiétude m'était venue, je n'aurais pas su dire pourquoi. Le soir, il y eut la soupe comme à l'ordinaire, et Adèle se trouva assise comme à l'ordinaire en face de moi. De temps en temps, portant ma cuillère à ma bouche, je jetais un coup d'œil de son côté. Elle ne semblait pas me voir. C'était seulement une grosse fille qui mangeait avec appétit. De temps en temps, elle se levait, allant mettre de l'eau sur le feu ou vaquant aux soins du ménage. Quand on est servante chez les autres, on n'est même pas tranquille pendant les repas. Après le souper, je monte dans ma chambre. Je n'avais pour m'éclairer qu'une vieille petite lanterne, mais il ne m'en fallait pas davantage, car mes livres, une fois pour toutes, avaient été mis de côté. D'ailleurs, la plupart de ceux dont je m'étais servi à Roche ne m'appartenaient pas, et j'avais chargé Mademoiselle Grandjean de les rendre à M. Loup. Je me mis tout de suite au lit, je soufflai ma lanterne. La lune, dans son premier quartier, éclairait faiblement. J'avais caché mes mains sous les couvertures parce qu'il ne faisait pas très chaud, et m'étant tourné du côté du mur, le drap tiré jusqu'au menton, un drap rugueux, à plis cassants, et qu'on ne nous changeait que tous les 2 ou 3 mois, j'essayais de m'endormir. Je n'y parvenais pas. Depuis mon départ de Roche, je n'avais pas retrouvé le sommeil. J'avais beau fermer les yeux et tâcher de ne penser à rien, c'est quand on a les yeux fermés qu'on voit le mieux les choses. C'est quand on ne veut penser à rien qu'on pense le plus. Bientôt 9 heures sonnèrent. À ce moment, j'entendis qu'on montait l'escalier. Adèle devait, après le souper, laver la vaisselle, c'est pourquoi elle était toujours la dernière couchée. Elle passa devant ma porte, puis il n'y eut plus rien du tout, un grand moment. Tout à coup, il me semble entendre un frôlement. Le bruit cessa presque aussitôt. Tout d'abord, je pensais que j'avais fait erreur. Ce devait être une souris, cette partie de la maison en était pleine. Mais les frôlements recommencent, et brusquement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière la porte, et que ce quelqu'un cherche à voir par le trou de la serrure. Je m'assieds sur mon lit. « Qui est là ?» Une voix répond. « Est-ce que vous êtes déjà couché ?»« Bien sûr que je suis couché. »« Est-ce qu'on ne pourrait pas entrer quand même ?» Je dis. « Qu'est-ce que vous me voulez ?»« Rien, seulement j'étais seule. » Et je me dis que peut-être je pourrais venir faire un bout de causette avec vous. Vous imaginez si j'étais surpris, mais je le fus bien davantage quand tout à coup la porte s'ouvre et Adèle est devant moi. La lune éclairait toujours faiblement, le bruit de la fontaine était revenu, je me tournai vers elle, je vis qu'elle dormait. Il faisait calme, il faisait un peu triste, je me demandais « qu'est-ce qui est arrivé ?» Je me répondis « c'est Adèle qui est couchée à côté de moi ». Alors je la regardai mieux, ses paupières tendues par le sommeil semblaient très grandes, sa grosse lèvre pendait un peu, ses joues étaient plus rondes et plus lisses que d'habitude, mais ce qui me frappa encore davantage, ce fut cet air abandonné, cet air innocent, cet air confiant qui était sur elle. On aurait dit un enfant qui dormait. Sa poitrine se soulevait à de longs intervalles, de temps en temps elle soupirait, alors sa tête se déplaçait un peu, puis de nouveau elle était immobile. Le drap était tiré sur le bas de son corps, mais ses bras sortaient nus et sa gorge aussi était découverte. Soudainement, je me sens tout heureux. Il y a, n'est-ce pas, qu'on est homme, quand même. Je me soulève un peu plus, je me dis, je vais l'embrasser. Mais au même moment, quelque chose casse en moi. J'étends la main, Je touche son épaule froide, je retire ma main, et un grand dégoût me venait. Je compris, je me dis, c'est parce que celle qui est là n'est pas celle qu'il aurait fallu. Et ce que je voyais à présent, ce n'était plus elle. D'autres yeux, d'autres épaules, une autre bouche se montrait. Et elle, elle avait disparu. Et ce qui venait, c'en était une autre. C'était la seule, c'était la vraie. Mon Dieu, est-ce que c'est possible? Alors, c'est que tout est fini. Et j'étends de nouveau la main. Je prends Adèle par le bras, je la secoue. Et Adèle? Elle ouvre les yeux, elle me regarde. Elle fait un geste vers moi, mais je me retire en arrière. Dis donc, Adèle, il te faut t'en aller. Elle n'avait rien dit. Elle s'était levée. Et pendant qu'elle se rhabillait, je me tenais tournée du côté du mur. Pourtant, tout un mois, presque chaque soir, elle revint. Elle était complaisante, docile, obéissante, toujours prête à tout. Je voyais bien qu'elle m'aimait. Ne pouvant m'être utile autrement, elle avait été fouillée dans ma petite armoire en sapin et avait pris tout le linge que j'avais, poussant des exclamations en voyant combien il était en mauvais état. Elle me l'avait remis entièrement à neuf. De même, mes habits du dimanche, auxquels il manquait des boutons. Quant à ma chambre, elle l'avait soigneusement balayée, elle avait lavé les carreaux. Chaque matin, elle faisait mon lit. Souvent, le soir, elle arrivait, tenant à la main un petit paquet enveloppé de papier. C'était un morceau de viande, ou des fruits, ou des bricelets qu'elle avait volés pour moi à la cuisine. Elle me disait « ce sera pour après ». Elle se montrait, en toute chose, la même bonne fille dévouée, gaie, sûre, simple de cœur. Mais j'avais beau lui être reconnaissant de ce qu'elle faisait pour moi, je n'arrivais pas à m'habituer à elle. Pas même la simple habitude, le simple besoin qui rapproche, le simple accord extérieur. À peine si je réussissais à lui cacher l'ennui qui me venait dès qu'elle apparaissait, et une espèce de mépris qui allait jusqu'à du dégoût. Je sentais qu'il aurait fallu m'expliquer. Je n'y parvenais pas. Me voyant silencieux, elle me demandait « Qu'est-ce que tu as, Samuel ?»« Je n'ai rien. »« Si, tu as quelque chose. Est-ce que tu es fâché contre moi ?» Je secouais la tête. « C'est qu'il me semble quelquefois que je t'ennuie. Il faut me le dire si je t'ennuie. » Je n'avais pas le courage de lui répondre. Et puis j'étais touchée, et aussi j'avais pitié d'elle, comprenant bien qu'elle ne méritait pas d'être traitée comme elle l'était. Pourtant, je restais impuissant contre moi-même. Il y a des choses plus fortes que nous. C'est ainsi que plus on avançait, plus j'avais de peine à la supporter. Ces choses allèrent de cette façon-là jusqu'au premier dimanche de mai. Le matin, elle avait été au sermon. Après le dîner, elle était venue me rejoindre. Que faire? Elle heurtait, ma porte ne fermait même pas à clé, et elle savait toujours si j'étais là ou non, au bruit que je faisais en allant et venant dans ma chambre. J'étais particulièrement de mauvaise humeur et particulièrement triste ce jour-là, les dimanches me rappelant toutes sortes de souvenirs, et quand elle était entrée, je n'avais pas tourné la tête. Elle m'avait dit « Écoute, si tu voulais, on pourrait se retrouver dans le bois de Vaux. Il fait beau aujourd'hui, ce serait dommage de rester enfermé. » Mais je l'avais interrompue. « Va si tu veux, moi j'ai autre chose à faire. » Elle n'avait pas insisté. Puis, après un instant d'hésitation, « C'est que j'aurais voulu te parler. Pourquoi ne me dirais-tu pas tout de suite ce que tu as à me dire? C'est que... c'est toute une histoire, et une vilaine histoire, et j'ai un peu peur pour nous deux. J'aurais voulu te prévenir. » Je pensais au patron, je pensais à un galant qu'elle avait sans doute, ou quelques jaloux. Mais le patron, les galants, les jaloux, elle-même, tout me laissait indifférent. Je n'eus qu'une idée me débarrasser d'elle. « Eh bien, ce soir, si tu veux. » Elle baissa la tête. « Pas avant ? » ?»« Non, pas avant, il faut que je sorte. » J'étais décidée, en effet, à sortir, et je ne savais pas encore où j'irais, mais la grande affaire pour moi était de ne plus la voir. Elle comprit, elle se résigna, elle me dit « Eh bien, à ce soir. » Puis, encore un baiser ? Je lui tends machinalement les lèvres, et je sors, comme je lui avais dit. Il faisait un joli soleil sur le village et sur les champs où les pommiers étaient en fleurs. Le coq du clocher brillait au-dessus des toits. Je pensais, il n'est pas possible que ça dure plus longtemps. Tu crois que tu me verras ce soir, tu te trompes. Je coucherai dehors s'il le faut. Et, continuant à parler ainsi et à faire des plans en moi-même, je me fabriquerai une targette en bois Il aura beau heurter et appuyer le genou contre la porte ne s'ouvrira pas. Je le sais bien, j'étais injuste, mais la justice est de raison. Je rôdais par les chemins jusqu'à 4 heures. À ce moment, il me fallut rentrer à la ferme pour traire. Je me mis à traire, ce qui me prit jusqu'à 5 heures et demie, parce que, comme à la maladière, c'était moi qui portais le lait à la laiterie. Ensuite, je sortis de nouveau, et je m'en allai de nouveau au hasard, à travers les champs. Le soleil était haut encore, comme il arrive en mai. Je regardais devant moi, par-delà les collines, une espèce de grand reflet qui bougeait dans le bas du ciel, du côté du sud. C'est que le lac était là-bas, et on ne pouvait pas le voir. Mais, au-dessus de la ligne noire des bois de sapin, surmontant les crêtes, un rayonnement en venait qui remplissait tout l'horizon. Et ma pensée allait au lac, plus impatiente à cette heure. Je me disais, qu'est-ce qu'elle fait ? Je voyais le village avec, au bas de la route et devant les maisons, des groupes de gens arrêtés. Elle passait, habillée en dimanche, répondant d'un signe de tête aux garçons qui la saluaient. Elle ne s'arrêtait pas volontiers pour causer. Elle aussi, on la disait fière. Mais j'aimais ce petit mouvement du menton qu'elle avait, cette façon qu'elle avait de plier à peine le cou. Alors, me disais-je, pourquoi suis-je ici, quand elle est là-bas ? Pourquoi, entre nous, tout ce grand espace, quand il me suffirait de moins d'un jour de marche pour être de nouveau près d'elle ? Peut-être qu'elle m'attend. Peut-être qu'en me voyant, elle se mettrait à sourire. Peut-être qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Peut-être que, comme moi, elle s'ennuie. Peut-être que, comme moi, ce soir, elle a été se promener, et elle regarde autour d'elle, en se tourmentant comme moi. On voit quelle était ma folie. Mais c'est qu'Adèle était venue. Pauvre Adèle, ce n'était pas pour elle qu'elle avait travaillé. Soudain, un grand besoin me vient de m'étourdir. J'en avais assez de pensées, et puis la chaleur m'avait donné soif. Heureusement qu'il y avait l'auberge, qui est faite à la fois pour ceux qui veulent oublier et pour ceux qui ont soif. Elle est faite pour les deux soifs. Quand j'y entrai, la salle à boire était déjà pleine. J'allai m'asseoir, comme toujours, dans un coin. Je commandai 3 décis, ce qui me fit 3 verres, que je vidai coup sur coup. Puis, cognant sur la table, je commandai 3 nouveaux décis. Cela ne me rendit pas la gaieté, mais ce n'était pas ce que je cherchais. Je cherchais seulement à ne plus m'entendre penser. Je cherchais un certain désordre d'idées qui empêche qu'on sente dans quel sens elles vont. De même, les nuages qui restent immobiles quand le vent souffle de plusieurs côtés à la fois. Ce fut ce qui arriva, et je me sentais déjà mieux, quand quelqu'un me pose la main sur l'épaule. C'était Lamblay, le taupier. Un drôle d'homme, ce Lamblay. Petit, ratatiné, voûté, une blouse bleue tout en loques, un vieux chapeau avançant sur les yeux. Il avait des joues creuses couvertes d'une barbe, comme la mousse sur les pierres. Il n'arrêtait pas de tousser. Il vivait dans une espèce de réduit, au-dessus de la forge. Personne ne s'occupait de lui. De bonne heure, le matin, il partait tendre ses trappes, mais avant midi, il était rentré et il s'installait à l'auberge, d'où il ne bougeait plus de toute la journée, buvant son eau-de-vie, seul comme moi, dans un coin. Un homme heureux, d'ailleurs, parce que, comme il disait, il se laissait aller. Et il était toujours de bonne humeur, n'ayant besoin que de sa goutte et de sa pipe, deux choses qu'il se procurait facilement, grâce à son métier. Il tire un tabouret de dessous la table. Il me dit « On peut s'asseoir ?» Je lui fais signe que oui. Il s'assied en face de moi. C'est que, voilà, il y en a qui préfèrent être seuls. Alors, le goût des gens, vois-tu, c'est quelque chose de sacré. Il sort de sa poche une pipe de terre, toute noire d'avoir servi. Il en fait tomber le couvercle, qui était retenu par une chaînette en laiton. Il la bourre, et l'ayant bourré, montrant du doigt ma chopine de vin, « Tu en es encore dans les commencements, toi !» Puis, comme je me taisais, « Il faut bien commencer, continue-t-il, mais tu sais, il y a la pente. » Il cracha par terre, il frotta de la semelle son crachat, il riait doucement, sa bouche sans dents, dans sa courte barbe, faisait un trou noir. « On a beau faire, on est mené, » dit-il encore. Je hochai la tête. Je voyais qu'il avait raison. Il y a des vérités qui vous viennent dans le vin, et j'en étais à ma 4e chopine. Sa pipe avait un tuyau tellement court que le fourneau touchait sa moustache. Et la fumée montait à travers sa moustache, tandis qu'il tendait le cou vers moi. Là-dessus, il crache de nouveau, il renfonce sa pipe dans sa bouche, il tenait posé sur moi son petit œil vif et gai. Tout à coup, je m'aperçus qu'on venait d'allumer la lampe, il ne restait plus une place vide autour des tables. Une bande de garçons était survenue qui avait été dansée à Chezal. Ils étaient un peu lancés. Damon, le fils à Jules, et Rubatel, le rouge, jouaient à deux de la musique à bouche, quand même leur musique n'était pas accordée, mais ils n'avaient pas l'air de s'en apercevoir. Il pouvait bien être 9 heures. Je n'avais pas été manger la soupe, je n'avais pas faim, j'avais soif. Et je bus encore, et je bus. Je ne savais plus trop où j'en étais, mais, à un moment donné, voilà que j'entends qu'on rit. Ayant levé la tête, je vois que tout le monde me regarde. À l'autre bout de la salle, un nommé Chua, cordonnier, qui venait d'entrer, se tenait debout, et il me montrait du doigt tout en parlant. « Regardez-moi ça » criait-il. « Est-ce que ça ne fait pas pitié? Ça n'a même pas de la moustache. Ça veut déjà faire l'homme, je vous demande un peu. Si seulement ça restait chez soi, mais pas du tout, ça court le monde. Ça vient faire la loi chez nous. Tenez, le voilà qui dresse le bec. Tu ferais mieux de le cacher. » Tout le monde éclata de rire, jusqu'à Lamblay qui riait. Et s'il n'y mettait pas de malice, lui, on ne pouvait pas en dire autant des autres. On sentait qu'ils étaient heureux de me voir humilié. Loin de retenir Chouard, ils l'excitaient. Ils étaient tous tournés contre moi, parce que je n'étais pas de la commune, et que je faisais bande à part. Quant à la raison pour laquelle Chouard était pareillement en colère, il me fallut un moment avant de la trouver. Mais tout à coup, je pensais à ce qu'Adèle m'avait dit. Je me rappelais avoir remarqué que Chouard, depuis longtemps, tournait autour d'elle. Il devait être jaloux. Il n'était plus tout jeune. La chose était assez naturelle. Et moi, n'est-ce pas, j'aurais aimé pouvoir lui crier « Prends-la seulement !»« Ce n'est pas moi qui t'en empêcherai !» Seulement, il y avait l'amour-propre. Et puis, il y avait ce ton. Il y avait aussi leur nombre. Autant de raisons de leur tenir tête. D'ailleurs, le vin me soutenait. Je n'en gardais pas moins mon sang-froid, et comme Chouard continuait de m'insulter, tranquillement je lui réponds « Si vous avez à vous plaindre de moi, vous n'avez qu'à venir ici. On ne s'entend pas bien à distance. » Il haussa les épaules. « Tu veux rire? Quelqu'un qui sent le poisson comme toi ?» C'était une allusion au lac d'où je venais. Elle eut du succès, comme on pense. J'étais devenu tout pâle. La tête me tournait un peu. Je me lève, j'entends bien encore Lamblay qui me dit « Voyons, Samuel, laisse-le parler. C'est des mots, tout ça, c'est de la fumée. » Et en même temps, il cherchait à me retenir par ma manche. Mais, d'un brusque mouvement de bras, je me dégage. La minute d'après, je me trouvais en face de Chouard. Il n'était déjà plus si crâne. Instinctivement, en me voyant m'approcher, il avait reculé d'un pas. Sans doute que mon air ne lui disait rien de bon. Il est même assez probable que si nous avions été seuls, les choses en seraient restées là. Le malheur avait voulu que nous ne fussions pas seuls. Tout ce monde l'encourageait. « Vas-y, Chouard, ne te laisse pas faire !» Et puis, comme il sentait tout ce monde prêt à lui donner un coup de main au premier signe qu'il ferait, il croise les bras et me regardant sous le nez, « Essaie voir de me toucher, essaie seulement !» Il n'avait pas fermé la bouche qu'il reçut ma main en pleine figure. Il m'envoie un coup de poing, je fais un saut de côté. Tout à coup, je m'aperçus que Chouard était tombé. Au même moment, je fus empoigné par derrière. Je me retournai, mais je fus entouré. J'eus beau me débattre, ils étaient trop nombreux. Une table tomba avec un grand fracas de verres et de bouteilles. J'eus encore le temps de voir le patron qui accourait et jurait en me montrant la porte. Elle s'était ouverte, je fus soulevé, 5 ou 6 bras me poussaient à la fois, je glissais, je tombais assis. Quelqu'un m'avait pris par les pieds, un autre me serrait le cou, et c'est ainsi que je fus traîné tout le long du corridor jusqu'au perron, où je roulais au bas des marches. Ma tête ayant porté contre la pierre, je restais un moment étourdi. Quand je revins à moi, la bande des garçons était toujours sur le perron et ils criaient « Es-tu content ?» pensant que tout était fini. La seule idée qui me vint fut de leur montrer que tout ne faisait que commencer, au contraire. Je me relève, je me jette sur eux, j'en attrape un au hasard dans le temps, je tire dessus de toutes mes forces, et une fois de plus, me voilà par terre, l'autre par-dessus moi. Mais aussitôt je m'étais retourné, et appuyant mon genou sur sa poitrine, « Qui est-ce qu'il a, cette fois ?» Des grands cris montaient dans la nuit, Une à une, autour de nous, les fenêtres s'allumaient et s'ouvraient. Des voix demandaient « Qu'est-ce qu'il y a ?» et on entendait des femmes répondre « Ah mon Dieu, c'est les garçons qui se battent !» Parce que toute la bande, de nouveau, s'était jetée sur moi, et les coups de nouveau me pleuvaient dessus, que je rendais de mon mieux, ne sentant rien, n'ayant conscience de rien, pris d'une espèce de folie. Même, il me semblait qu'au lieu de diminuer, mes forces allaient sans cesse en augmentant. Seulement, j'avais beau faire, ils étaient trop nombreux, je fus forcé de leur céder la place. Je continuai à leur tenir tête, mais à chaque coup qu'ils me portaient, ne pouvant plus que me défendre, je reculais d'un pas ou deux, et peu à peu ainsi, je me rapprochais de la ferme qui était située dans le bout du village. La bande, cependant, continuait à me serrer de près, et tout le village, à présent, était aux fenêtres. Aussi ne fus-je pas étonné, comme j'arrivais à la ferme, de voir la porte ouverte et le patron debout devant. Brusquement, les garçons s'étaient arrêtés. Alors, voilà le patron qui s'avance. Il tenait un bâton à la main. « Est-ce fini ? » criait-il. « Nom d'un tonnerre ! Est-ce qu'on va pouvoir dormir tranquille ? D'où est-ce que vous venez, vous ?» C'était à moi qu'il s'adressait. Je me tourne vers lui. Je le vois dans le clair de lune. Il y avait cette fois pleine lune qui ouvre la bouche toute grande. Alors, je sens, moi, que quelque chose de chaud me coulait dans la nuque, tandis que j'avais sur la langue un goût fade, avec de la peine à parler. Et la patronne, étant à ce moment survenue, qui se tenait prudemment à distance, mais pas assez pour que le détail des choses lui échappât, la patronne, mon Dieu, comme il est arrangé ! Elle se cache la figure dans ses mains. Les garçons disent, ce n'est pas notre faute, c'est lui qui a commencé. Il n'a eu que ce qu'il mérite. Il a tout cassé dans la pinte, alors, nous, n'est-ce pas ? On s'est défendu, rien de plus. Le patron me regarde. Je vis que j'allais être pris entre les garçons et lui. Je me dis tout à coup, rentrer chez lui, jamais de la vie. Et tout à coup, le travail qui se faisait depuis longtemps en moi aboutit. Là-bas, derrière les collines, est-ce qu'il n'y avait pas le lac ? Et la route y menait tout droit ? Aussitôt, je fus décidé. La chose éclata dans ma tête comme un coup de mine. Je pensais, criez toujours, vous ne vous attendez pas à celle-là. Et tournant le dos au village, je partis du côté du sud. Il ne s'en rendit pas compte tout de suite de ce qui arrivait, le patron. Mais quand il me vit m'éloigner, marchant à grands pas, les mains dans les poches, il m'appela. Je n'en marchais que plus vite. À ce même moment, une porte s'ouvrit, et au haut de l'escalier de la dépendance, une forme apparut. Une voix demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» C'était Adèle. Pauvre petite voix tremblante dans la nuit, sûrement qu'elle avait dû tout voir de derrière ses carreaux. Elle n'avait pas osé se montrer. Mais à présent que je m'en allais, tout lui devenait indifférent, et ce que les gens pouvaient dire est de perdre sa place et de se faire mal juger. Elle était donc sortie, et la voix encore une fois « Samuel, Samuel !»« Qu'est-ce qui te prend, toi ?» criait le patron. « Veux-tu aller te coucher ?» Mais une troisième fois, la voix « Samuel, Samuel !» À mesure que je m'éloignais, elle devenait plus haute et plus rauque. « Samuel, Samuel !» Seulement, la distance augmentait entre nous. Peu à peu, la voix décrut. Elle ne fut plus qu'un souffle. Et comme la route tournait, je n'entendis bientôt plus rien. Mais elle était belle devant moi, la route, parce qu'elle menait au lac. Comme on dit de ceux qui se noient qu'instinctivement, quand ils sont arrivés au fond de l'eau, ils frappent du pied pour remonter à la surface. C'est aussi ce que j'avais fait, et je me sentais remonter. De dedans ma grande misère même, et étant tombé le plus bas qu'il était possible, il me semblait toucher de nouveau au sommet de la vie. Une grande clarté d'espoir venait sur moi et m'inondait, pareille à cette lune blanche qui pendait cette nuit-là au ciel, et elle aussi descendait vers le lac. Je me disais, j'irai d'abord trouver Monsieur Loup. Il est bon, il me pardonnera. Et Monsieur Loup, c'était pour moi mon ancienne vie retrouvée. Je me disais, ensuite, j'irai la trouver, elle, et elle sera touchée en voyant que je pense toujours à elle, après 2 ans. J'étais dans un de ces moments où il semble que nous soyons tout-puissants sur les choses, et on ne doute plus de soi. C'est pourquoi j'allais d'un bon pas, et m'avançais sans hésiter, quand même la tête me faisait mal, et la nuque me faisait mal, et je me sentais tout couvert de coups. Je serrais dans ma poche mon porte-monnaie, qui était bien garni, mon tuteur m'ayant envoyé une centaine de francs l'année de ma majorité.